Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, au microphone d'Annie Veilleux. Ben, les Saguenay de Chicoutimi et les Sea Dogs de St. John, la série est maintenant égale 1 à 1. Samedi, les Saguenay l'ont emporté par la marque de 4 à 2. Un but de Nicolas Roy en deuxième période de prolongation a permis aux Saguenay de remporter la victoire. Il y a Joey Ratel qui a marqué 2 buts dans la rencontre. Il y en a également 3 passes pour Dimitri Zoukenov et 2 passes pour Nicolas Roy. On se souvient également de la Coupe Dodge, le Marcos Pop de Saint-Félicien qui s'est incliné en grande finale hier de la Coupe Dodge en midget 2B. Le Marcos Pop qui a perdu 5 à 4 contre les Sénateurs de Québec. Le Marcos Pop avait remporté la demi-finale contre l'Outaouais par le pointage de 6 à 2. Au niveau JAA, les Marquis de Jonquière se sont rendus en grande finale. Et également la Coupe Dodge, le Tour de Bob Desjardins qui a perdu 8 à 7 en prolongation contre la formation de la région de Chaudière-Appalaches. Ligue américaine de hockey, l'équipe des Emeralds de Milwaukee, l'équipe de Samuel Girard, tire de l'arrière 2 à 0 contre la formation de Grand Rapids. En fin de semaine, ils ont perdu 4 à 3 en prolongation et 5 à 2. Et Samuel Girard a été blanchi. Et grosse nouvelle dans le monde du hockey régional, l'association entre Jason, la jeunesse, et les Sabres de Roberval est maintenant chose du passé. Les Sabres ont annoncé la nomination de Patrice Gagnon à titre d'entraîneur-chef. On va d'ailleurs tantôt au cours des prochains jours de contacter le président Guy Larouche pour en connaître davantage sur ce qui a motivé le remplacement de Jason Lajeunesse à la barre des Sabres de Roberval. Le sport local et régional, à danradiosport.com à son équipe.